Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le lundi 14 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Guillaume Carax, chanteur et musicien, qui est là pour nous parler de sa toute jeune carrière de chanteur et de musicien. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ça va même très bien. Parfait. Donc avant d'aller plus loin, déjà avant de commencer même, je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation car je t'ai connu grâce à un célèbre réseau social sur lequel tu avais posté quelques extraits de tes titres juste Se laisser faire et maintenant. Oui. Donc j'ai pris la décision de te contacter et ça m'a fait plaisir de voir que tu avais accepté mon invitation. Et de plus, comme tu le sais déjà, maintenant j'écoute régulièrement tes morceaux. Donc voilà, je tenais à te remercier pour ça. Merci. Mais écoute, moi, c'est avec plaisir. Donc, avant de parler de ta carrière, à proprement dit, quel a été ton parcours personnel? Est-ce que tu as fait des études musicales ou est-ce que tu ne t'es dirigé vers la musique que plus tard? Alors, moi, j'ai commencé à faire de la guitare, à apprendre la guitare sur les coups de 7-8 ans, à peu près. Donc, ça commence à faire un petit moment maintenant. Et très rapidement après, quand j'ai commencé à avoir l'âge, sur les coups de 16-17 ans, j'ai eu mon premier groupe de copains de lycée. D'accord. Voilà, donc j'ai pas fait d'études bien précises musicales, mais j'ai appris la guitare, oui, en cours, quoi. Voilà. D'accord. Donc toi, t'es plutôt du style, on va dire, pop rock, mais ce groupe, ton premier groupe de musique, est-ce que c'était pareil dans le style pop rock ou c'était un tout autre style? Alors c'était pareil, c'était le même style pop rock, c'était pas le même style de parole parce que déjà jeune en fait j'écrivais déjà mes propres compositions du groupe à l'époque. D'accord. Voilà, c'était dans un autre style, mais vraiment le même style musical, par contre plutôt pop rock et plutôt rock d'ailleurs aussi, un peu plus rock que pop. D'accord. Donc pourquoi ce style de musique, en particulier ce style de pop rock? C'est mes influences, les influences que j'ai aujourd'hui, que j'ai toujours eu finalement, françaises, on va dire, voilà, variété française, ça passait peut-être à l'époque sur avec les groupes rock, Téléphone, Kyo, variété un peu plus française, style Goldman, style Cabrel, style Calogero, et puis après anglo-saxonne, on va parler de Coldplay, de Muse, voilà, des personnes qui ont influencé en tout cas dans mon style de musique et dans l'écoute que je pouvais avoir avec quoi. Ok. Et donc comme je l'ai annoncé en introduction, ta carrière solo est toute nouvelle. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique même avant donc vers 16-17 ans et dans ce style de musique en particulier? Alors moi je me suis lancé auprès du public effectivement récemment, vu que je me suis lancé le 12 mars dernier. On va dire que c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est l'histoire récente, on va dire. J'ai fait écouter, j'ai pas mal de textes, pas mal de musique en déjà créé, et je l'ai fait écouter à certaines personnes, et il y a 2 ans que ça à peu près, je l'ai fait écouter à un ami très proche de l'époque qui s'appelait Vincent. Ça partait voilà d'une ou deux chansons que j'ai pu lui faire écouter, et puis finalement je lui ai fait un concert de 2 heures et il m'a dit il faut pas que tu gardes ces textes là pour toi, et il faut que tu en fasses quelque chose, et si tu veux je vais t'aider, je vais t'investir, je vais te produire. Le fait est que malheureusement mon ami est décédé dans les jours qui ont suivi, donc c'est un projet qui a jamais abouti, et il m'a fallu plus ou moins 1 an pour commencer à refaire surface. Et l'année dernière, pendant le confinement, j'ai vraiment réfléchi, je me suis posé, et puis je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'essayer de tout seul d'aboutir à ce projet-là et essayer de faire ce qu'on devait faire à deux à l'époque, quoi. D'accord, donc maintenant du coup tes titres ils sont autoproduits? Oui, totalement autoproduit. J'ai fait tout de A à Z, grosso modo. Hein. Je commence à avoir une petite équipe autour de moi au fil des morceaux. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de la chose. C'est qu'il y a certaines personnes qui commencent à s'intéresser un petit peu à moi. Mais effectivement, ouais, tout est autoproduit, que ce soit les paroles, la musique, voilà, et tout ce qui s'ensuit derrière d'ailleurs aussi. D'accord. Est-ce que c'est pas trop compliqué de t'autoproduire? Alors, je connaissais pas à l'époque les difficultés qu'il pouvait y avoir, mais j'ai l'impression quand même que là, ces dernières années, ces derniers jours, c'est quand même plus facile de s'autoproduire, parce qu'aujourd'hui, on peut arriver à enregistrer relativement facilement de chez soi avec du matériel qui reste abordable. On a pas mal de studios aussi autour de nous qui peuvent traiter les sons après derrière. Et puis c'est vrai que les réseaux sociaux facilitent la chose après une fois le morceau produit pour essayer de se faire connaître. Donc je pense que c'est seul on peut arriver à en tout cas à faire quelque chose. On peut débuter. D'accord. Donc justement, en parlant d'autoproduction, il me semble qu'on a même droit à quelques clips de certains de tes morceaux sur Internet. Oui. Oui, alors ça a été compliqué au départ. C'est vrai que sur le premier morceau qui est sorti au mois de mars dernier, il n'y a pas eu de clip dessus. Et après, sur les deux suivants, on a essayé de faire quelque chose de un clip à chaque fois, essayer de mettre un petit peu en image les paroles et la musique. Et je pense que de morceau en morceau, on s'améliore parce que ça reste encore un petit peu artisanal, mais on s'améliore et j'ai bon espoir pour le prochain morceau qui sortira plus tard, effectivement que ça soit encore mieux que les deux premiers, ouais, tout à fait. Et donc justement ces clips ils sont également autoproduits du coup? Oui, tout à fait. Ah, oui. Le premier clip c'est un de mes meilleurs amis qui filme. D'accord. Ah oui. Ok. Donc, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que, à travers tes morceaux, tu véhicules les valeurs humaines qui t'animent. Donc, est-ce que c'est important pour toi, justement, de véhiculer ces valeurs à travers tes morceaux? Et si oui, pourquoi? Oui. Moi, j'ai deux valeurs qui m'animent vraiment depuis toujours. C'est la famille, l'amitié. Voilà, c'est vraiment un noyau important pour moi. Et oui, c'est des choses que j'aime véhiculer dans mes chansons, parce que je trouve que c'est important et que c'est partie intégrante de ma vie, en tout cas, et je pense de la vie de beaucoup de personnes. D'accord. Et donc, justement, tout à l'heure, là, nous parlions de cette passion que tu as pour la musique, que tu avais notamment un premier groupe de musique et que maintenant tu es en solo. Donc, comment t'es venue cette passion pour la musique, justement? La musique, je pense que j'ai fait mon premier concert, j'ai assisté à mon premier concert, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et donc c'est vrai que je me souviens à cette époque-là, effectivement, je m'étais dit j'aimerais bien un jour être sur scène et arriver à donner, à toucher les gens, à donner du plaisir, déjà dès ce jeune âge-là, à donner du plaisir aux gens. Et ça c'est le côté vraiment, voilà, vraiment scène, vraiment, vraiment groupe. Après, la passion de la musique, la passion des mots, on va dire, je pense que ça m'a été donné par ma grand-mère qui est toujours d'ailleurs en vie, j'ai la chance qu'elle soit toujours en vie, qui est poète. Et c'est vrai qu'elle m'a donné envie de jouer avec les mots et de travailler les mots en tout cas. Et c'est vrai que pour moi, les paroles sont importantes dans les chansons en tout cas. D'accord, donc si ta grand-mère nous écoute, on lui passe un petit bonjour. Bonjour. Donc, il va déjà être 14h10, donc avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un de tes titres, et que nous écoutions le morceau intitulé « Juste se laisser faire ». C'est d'ailleurs le morceau avec lequel je t'ai découvert personnellement. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous avons d'ailleurs droit à un clip sur Internet de ce titre. Oui, tout à fait. Magnifique clip à la tournée à la Dune du Pilat. Voilà, Dune du Pilat, très bel endroit d'ailleurs. Ouais. Donc on écoute juste Se laisser faire de Guillaume Carax et on se retrouve juste après. Sans toi rien ne se réparait, des matins froids sans jamais de réveil, des jours entiers à regarder en arrière. Marcher seul, perdu en plein désert. Gestes faits et refaits, sans en voir le jour. Désespéré d'attendre son tour. Puis un jour tout s'éclaire. Plus besoin d'espérer. Plus rien penser. Juste se laisser faire. On veut s'aligner. jour tout s'éclaire. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h13, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Guillaume Carax avec son morceau « Juste se laisser faire ». Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents, surtout par cette journée ensoleillée où il y a beaucoup de circulation. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Guillaume Carax, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de sa toute jeune carrière. Ça va toujours ? Ça va toujours, oui. Super. Parfait. Donc, avant de poursuivre, j'aime toujours poser cette question à mes invités. Quel message veux-tu faire passer à travers ce morceau, Juste se laisser faire ? Ah, cette chanson, à la base, ça part d'une question simple, c'est quelle serait notre vie, finalement, sans la personne avec qui on la partage ? C'est ça part de quand j'ai commencé à écrire cette chanson là c'est parti de cette question là tout simplement et finalement une fois qu'on a découvert l'amour, une fois qu'on a l'amour, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est se laisser porter et profiter de la vie, quoi. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. D'accord. Ok, donc est-ce que à travers tes morceaux, tu as cette volonté de faire en sorte que chaque personne qui les écoute puisse se reconnaître ou du moins s'approprier tes morceaux ? Oui, c'est ça d'ailleurs qui est fou, parce que quand j'ai commencé à écrire avant de me lancer, j'écrivais parce que j'en ressentais le besoin, et là au fil des semaines qui passent, j'ai de plus en plus d'interactions avec les personnes qui commencent à me suivre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de messages comme ça de personnes qui me disent qu'elles se retrouvent dans certaines phrases, dans certaines chansons, qu'elles ont l'impression qu'elles sont écrites pour elles. Et c'est vrai que c'est vraiment touchant et c'est vraiment beau d'arriver à écrire des morceaux pour que les gens se les approprient, quoi. Je pense qu'il y a rien de plus beau, quoi. Donc justement, avoir ce genre de retour, c'est un petit peu comme le début d'une consécration entre guillemets pour toi. C'est quelque chose de beau. C'est effectivement le début. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment de fou, quoi. En tout cas, oui, c'est sûr. C'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir et ça me motive encore plus, en tout cas, pour la suite. Ben, j'imagine bien, oui. Donc de plus, dans les messages que tu souhaites véhiculer, il n'y a pas que les paroles qui jouent un énorme rôle. Les instruments y sont pour beaucoup également. Dans tes morceaux, nous pouvons remarquer souvent la basse ou encore la guitare. Donc quels sont, selon toi, les rôles de ces instruments dans le monde de la musique et plus particulièrement dans tes morceaux ? Alors moi, par mon style déjà musical, c'est vrai que j'aime bien vraiment tout ce qui est basse, tout ce qui est guitare, tout ce qui est batterie. Je trouve que voilà, sur le son pop rock, même rock, c'est très important. Le morceau qu'on vient d'écouter, Juste laisser faire, par exemple, la batterie, la guitare, le riff de guitare, la basse ont un rôle vraiment primordial. Effectivement, c'est des instruments. C'est toujours la base, en fait, quand je commence à composer, quand je commence à écrire la musique, je pars toujours de cette base-là, en tout cas. Toujours de ces trois instruments-là. Ça peut varier, mais j'ai toujours une idée globale de ces trois instruments-là, et les autres instruments, après, viennent se greffer autour, en tout cas. D'accord. Surtout que, en parlant d'instruments, donc tu n'es pas que auteur et interprète, tu es également compositeur. Ouais. Donc, effectivement, je compose les musiques aussi de chacune des chansons. Et j'ai envie de dire, même d'ailleurs, je crois que je n'ai pas un texte sans musique dans mon cahier. Chaque texte derrière a une musique, en tout cas, appropriée au texte. Ouais. D'accord. Justement, c'est pas dans ma trame, mais une question me vient comme ça. Du coup, comme tu dis, tu n'as pas une musique dans ton cahier, enfin, des paroles sans musique, mais comment tu écris cette musique? Donc, tu écris les paroles, mais pour savoir quels instruments tu vas utiliser, est-ce que tu mets, par exemple, entre parenthèses, guitare, basse, ou quel est, en fait, ton moyen de procéder? Je pars très souvent, je commence très souvent une musique à la guitare parce que c'est quand même l'instrument avec lequel je suis le plus à l'aise. Après, voilà, je joue un petit peu de basse, je commence à jouer un tout petit peu de piano aussi. Mais vraiment, voilà, mon instrument de base, mon instrument fétiche, en tout cas, depuis toujours, ça a été la guitare. Donc, je commence toujours à composer avec la guitare. Après, il y a deux possibilités. C'est soit j'ai le texte d'abord et effectivement, j'ai pas encore d'idée bien précise de la musique et en fait, je vais faire un peu d'improvisation autour du texte jusqu'au moment où en fait ça va coller et je vais trouver que la musique met en valeur les paroles. Soit c'est différent et j'ai déjà la musique et là du coup j'ai le sujet aussi la chanson et je vais écrire les paroles vraiment en adéquation avec la musique que j'ai créée, quoi. J'ai pas de méthode bien précise, j'utilise toujours une de ces deux méthodes en tout cas. D'accord, donc le plus souvent tu travailles en musique du coup? Je sais exactement sur quelle rythmique je suis au niveau des phrases, tout ça. Enfin, j'ai la musique en tête en tout cas. Ouais. Si j'ai pas la guitare à côté, j'ai la musique en tête en tout cas pour écrire. D'accord. Donc, dirais-tu que pour toi, la musique est comme une sorte de journal intime, un exutoire, un genre de sac de sable musical? C'était encore plus un exutoire, je pense, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16, 18 ans, 20 ans, quand j'avais voilà le premier groupe avec lequel on a fait quelques compositions, parce qu'effectivement voilà quand on a cet âge-là, on est peut-être un peu plus rebelle ou autre, donc c'est vrai que c'était plus un exutoire. Là aujourd'hui, je vais parler de choses bien précise peut-être sur ma vie, mais aussi de choses que je vois, que je lis, voilà, une chanson peut partir d'une émission que j'ai vue à la télé, d'un livre que j'ai lu, d'un poème que j'ai pu lire aussi ou autre. Et donc du coup, ça va être un peu plus posé, un peu plus, je vais plus faire parler mon ressenti et l'émotion que j'ai eue sur la base du sujet, quoi. Je sais pas si je m'explique bien là sur le coup, mais voilà, je vais essayer plus de parler de ressenti, d'émotion, on va dire, quoi. Voilà. D'accord. Ok. De ce que tu peux ressentir dans ta vie de tous les jours. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, pour faire un petit rapprochement avec ma question précédente, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs, pardon, qui nous écoutent, la musique sert de beaucoup de choses. On peut en écouter quand nous sommes tristes, quand nous sommes heureux, en tout temps, en fait. Donc, est-ce une bonne chose pour toi que la musique contienne plusieurs facettes et peut convenir à tout un chacun, selon les différentes humeurs et les différents mots, donc M-A-U-X, que la personne peut ressentir? Ah oui, bien sûr. Enfin, voilà, on écoute effectivement de la musique. On peut écouter un morceau, le percevoir de façon totalement différente, hein, en fonction de l'état dans lequel on est, heureux, malheureux ou autre. Et une phrase d'ailleurs peut résonner d'une autre façon d'une personne à l'autre en fonction du ressenti qu'on peut avoir et de l'émotion qu'on a à ce moment-là. Effectivement, oui, c'est important. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de mettre aussi en place quand je fais la musique derrière. J'essaie toujours de faire coller la musique le plus possible à l'émotion que j'ai eue quand j'ai écrit ou quand j'ai pu écrire la chanson, quoi. J'essaie toujours de mettre en valeur ça pour faire passer l'émotion derrière. Donc justement, la musique, elle peut avoir un certain côté curatif quelque part. Ah, je pense, oui. Je pense que par moments, effectivement, oui, ça peut. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu écouté des morceaux de chanteurs connus. Ça m'a servi de médicament, ça c'est sûr. Ouais. Donc, comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu avais eu une proposition de la part d'un de tes amis, donc Vincent, ouais, dont on salue, ouais, la mémoire, sur le fait d'investir sur tes chansons et de te produire. Ouais. Donc, dirais-tu que quelque part, c'est grâce à Vincent que tu t'es, on va dire, révélé et que tu as révélé tes titres? Oui, parce que on m'a voilà, bon, il y a plusieurs personnes qui ont écouté au fil des années voilà mes titres, parce que ça m'arrivait d'en jouer quelques-uns, même si je gardais quand même ça beaucoup pour moi jusqu'à là. J'ai pas fait de concert ou autre avec mes compositions jusqu'à là, depuis ma jeunesse. Mais effectivement, Vincent est la dernière personne qui m'a dit ça. Et on va peut-être pas parler de blocage, mais j'avais peut-être un blocage. Je voulais pas aller plus loin, peut-être par peur de me dévoiler. J'avais pas forcément. En tout cas, j'avais pas la force, moi personnellement, de faire ça tout seul. Et effectivement, Vincent a eu les mots, a eu l'écoute, et puis j'avais bien vu dans ses yeux que, en tout cas, il croyait ce qu'il disait. Voilà, il m'a dit bon, on va y aller à deux, on va essayer. Bon, après voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps après à me relever de ça. Et puis l'année dernière, ce que je disais en début d'introduction, l'année dernière, un an après, pendant le confinement, j'ai été confiné pendant 2 mois comme beaucoup de beaucoup d'entre nous. Je me suis dit bon, ben voilà, je pense qu'il faut aller au bout de ça pour sa mémoire. Et puis c'est vrai qu'entre temps, durant cette période-là, j'ai continué en plus à écrire et à composer. D'ailleurs, les chansons, la première chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, fait partie de ces derniers textes que j'ai écrits en mois d'avril mai dernier, de l'année dernière, il y a un an. Donc c'est parti de là, quoi. Je me suis dit, il faut y aller. T'as finalement rien à perdre, quoi. Et puis tu le regretteras si tu le fais pas. Bien sûr. Donc justement, ce déclic, du coup, de, en gros, le petit coup de pied aux fesses, si on peut dire, que tu t'es mis, est-ce que c'est grâce justement à ce confinement ou est-ce que c'est grâce au confinement que tu as eu ce déclic? Le confinement, je pense, y est aussi pour quelque chose, parce que finalement, c'est une période où moi personnellement, je me suis retrouvé. Oui, ça a été un déclic. C'est une période où on fait le point quand même un petit peu, quoi. On peut pas sortir de la maison, donc on fait le point un petit peu sur sa vie, sur ce qu'on a réussi, sur ce qu'on a raté et sur ce qu'on pourrait améliorer. Et oui, ça a été bénéfique pour moi, ça c'est sûr. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je me suis lancé, parce que je pense qu'il manquait cette phase-là, qu'aujourd'hui je ne regrette pas d'ailleurs. Je ne regrette pas du tout de m'être lancé, quoi. D'accord. Donc il est 14h25, avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième de tes morceaux, et que nous écoutions cette fois le morceau dont nous parlions un peu plus tôt, donc maintenant. Qui a d'ailleurs, non, ce titre, il n'a pas de clip encore sur internet, il me semble. Non, il n'y a pas de clip pour l'instant. Bon, voilà, c'est pas prévu pour l'instant de faire un clip sur cette chanson. C'est la première chanson que l'on a sortie le 12 mars dernier. Et non, il n'y a pas de clip de prévu forcément sur celui-ci pour l'instant. D'accord, donc de toute façon, clip ou pas, on écoute ce morceau maintenant et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Merci. J'avance masqué pour ne plus vous sentir. Il Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h29, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Guillaume Carax avec son morceau intitulé « Maintenant » et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume Carax justement qui est là pour nous parler entre autres de sa toute jeune carrière. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie Guillaume ? Ouais, très bon moment, je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, même question que pour le premier titre que nous avons écouté tout à l'heure. Que souhaites-tu raconter à travers ce titre, Maintenant ? Bon, ce titre, Maintenant, déjà, c'était le premier titre qui est sorti au mois de mars. Bon, Maintenant, voilà, par rapport au titre aussi, parce que voilà, c'était Maintenant qu'on commençait. Ce titre, cette chanson parle de thème, c'est l'affirmation de soi. Elle parle d'une personne qui est en paix avec soi-même et qui retrace finalement le cheminement de cet aboutissement-là. C'est une personne, je pense, qui a un âge mûr, qui a vécu, qui a pris du recul sur la vie, qui a appris à transformer ses échecs, ses faiblesses en force et qui aujourd'hui est en paix avec soi-même. D'accord, c'est un joli message, je trouve. Ouais. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Est-ce que tu as déjà fait des collaborations dans ta toute jeune carrière ? Alors, non, pas encore. J'ai eu une ou deux demandes là en peu de temps. C'est quelque chose vraiment qui m'intéresserait, faire des collaborations avec des personnes, j'ai envie de dire du même niveau que moi aujourd'hui. En tout cas, oui, ça m'intéresserait d'écrire, même de composer pour elles, si je le peux. Ça m'intéresserait d'essayer, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est quelque chose qui... Enfin, j'y pense de plus en plus, en tout cas. D'accord. Justement, comme tu dis, tu pourrais composer pour certains de tes futurs collaborateurs s'ils ont envie. Donc, tu composerais pour des artistes de n'importe quel autre style musical, rap, slam, je sais pas, chanson française, rock. Alors, plutôt paroles en français, bien sûr. Chanson française aussi. Après, pop, rock, effectivement, tout style musical, mais ouais. D'accord. Mais plutôt pop rock quand même, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, comme nous le disions au début de l'émission, ta carrière du coup est toute jeune. Elle date du début de l'année à peine, mais je crois savoir que tu as déjà eu quelques retours sur tes titres. Ouais, j'ai eu la chance, en fait, très rapidement dès le premier titre de passer en radio. Tous les titres sont diffusés. Les trois titres sont diffusés en radio. Donc ça c'est vrai, c'est quelque chose pareil d'inespéré au départ, surtout quand on n'est pas connu, qu'on démarre de zéro. Je commence à avoir des retours de professionnels aussi. J'ai fait de belles rencontres parce que pour le tout dernier titre qui sortira dans quelques jours, dans quelques semaines, j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui qui s'est transformée, je pense, en amitié, enfin même j'en suis sûr. De Xavier Bélanger, un photographe avec qui j'ai commencé à faire des photos et puis qui a tourné le dernier clip la semaine dernière sur Bordeaux. Mm-hmm. Donc je commence à avoir un petit quelques retours professionnels et puis j'espère que ça va pas s'arrêter là. J'espère que ça ira encore plus loin. Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc du coup ce prochain titre qui sortira dans quelques semaines, il ne sera plus autoproduit du coup. Alors c'est un titre qui sera toujours autoproduit musicalement. D'accord. Musicalement parlant, au niveau des paroles, au niveau de la musique. Après j'ai laissé sur ce titre-là carte blanche à Xavier pour tourner le clip et faire le pitch du clip quoi. C'est lui qui avait écrit les scènes et qui on a tourné ça après en suivant. Donc il reste autoproduit quand même. Il reste autoproduit quand même, voilà. Parce que ça reste financé par Guillaume Carax. Donc autoproduit mais avec un partenaire. Voilà. Un très bon partenaire, je pense. Vous me direz ça plus tard après à la sortie. Avec plaisir. Donc justement, on parlait des avis, donc tu le connais déjà bien, mais je vais le partager à nos auditrices et auditeurs. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, je t'ai connu grâce aux différents extraits de tes morceaux que tu avais publiés sur le fameux réseau social en question. Et du coup, comme je te l'ai déjà dit par message privé, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Avec ton accord, j'ai même les titres dans une clé USB dans ma voiture. Et j'écoute tes morceaux très régulièrement, même chez moi. Donc, pour ne pas dire que je les écoute en boucle. Donc, je trouve que tu es vraiment, à titre personnel, une bonne découverte. Et c'est pour ça que je te souhaite d'avoir une grande et une longue et une belle carrière. Car je trouve que tu le mérites vraiment. Donc, voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, nous l'avons un petit peu abordé, mais nous allons peut-être pouvoir développer un petit peu. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, pardon, pour toi, les mots et les paroles sont très importantes dans une chanson. Donc, pour quelles raisons et à quel point elles sont importantes et importants ? Ah, c'est une question difficile. Après, pourquoi les mots sont importants ? Parce que justement, à travers les mots, on peut arriver à faire passer tout un tas d'émotions et en fonction de comment il est utilisé, justement, tout le monde peut se l'approprier. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort en fait, c'est qu'on arrive à finalement à se mettre dans l'histoire, à s'approprier derrière les phrases sur son vécu personnel, quoi. En tout cas, c'est les retours que j'ai là sur les trois premières chansons qui sont connues aujourd'hui, qui sont des morceaux qui ont été diffusés, c'est que les gens, peu importe l'histoire, arrivent toujours à se retrouver dans certaines phrases, dans certains mots, alors qu'à la base, la chanson n'est pas forcément écrite pour leur propre histoire. Donc c'est ça qui est beau, quoi. C'est universel finalement. D'accord. Donc justement, même si du coup c'est très important et que c'est universel, tu te sers justement de la musique pour donner vie à ces mots et à ces paroles. Ouais. La musique, dans tous les cas, derrière, même si elle est composée au départ, en premier, ça peut m'arriver d'avoir une musique, d'écrire des paroles, et en fait je m'aperçois que cette musique-là n'est pas ce qu'il faut, et ne met pas en valeur les paroles comme il le faut. Et donc du coup je recommence totalement à zéro la composition de la musique et à un moment donné, donc c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe en fait et là je me dis effectivement là c'est ça qu'il faut et il faut partir sur cette musique là et cette musique là met en valeur les mots. Là, je trouve que la musique est finalement la dernière étape pour mettre en relief le texte et mettre en relief les mots. D'accord. Ouais. Donc, une nouvelle fois, du coup, ta carrière est encore toute jeune, mais donc tu n'as pas encore malheureusement la chance d'en vivre. Non. Alors, aujourd'hui, je fais la musique en parallèle à mon boulot, mon vrai boulot, si je puis dire. Et je vis effectivement totalement d'autres choses. Hein. Mm-hmm. Ouais. Le but, effectivement, c'est d'essayer de vivre de la musique, essayer d'avoir une équipe autour de moi, de trouver un label, de trouver une maison de disques qui ait confiance et qui puisse me faire monter un palier, ça c'est sûr. Donc justement, je vais te demander juste après si tu aimerais pouvoir vivre de la musique un jour, mais tu y as répondu, c'est ouais. Ton but du coup. Le but aujourd'hui, effectivement, c'est d'essayer de continuer à faire ce que je suis en train de faire là depuis 3 mois maintenant et essayer d'en vivre, tout à fait. Et d'ailleurs, comme nous en parlions un petit peu plus tôt, tu travailles actuellement sur un prochain titre. Ouais. Alors, j'ai écrit un titre il y a au mois d'avril dernier. C'est vraiment le tout dernier titre que j'ai écrit. Et j'ai essayé de faire une musique un peu plus tendance, c'est-à-dire un peu moins rock, beaucoup plus pop. Pourquoi ? Parce que c'est un titre qui va sortir la fin juin, tout début juillet, donc c'est quelque chose qui... Ça va être le dernier titre avant l'été, après je reprendrai qu'en septembre, je pense. D'accord. Donc voilà, je voulais un titre qui soit un peu plus frais, un peu plus estival, avec quelque chose d'un peu plus... peut-être un peu plus acoustique, en tout cas moins lourd au niveau des instruments. Voilà, donc c'est effectivement ça. Il y a un nouveau titre qui arrive dont je suis en plus assez fier parce que je pense que le clip qui a été tourné la semaine dernière va donner pas mal. Voilà. Donc on peut peut-être en parler un petit peu. De quoi est-ce que ce morceau va-t-il parler ? ce morceau, ça parle d'une rencontre, d'une personne que finalement on rencontre tous les jours, qu'on croise tous les jours, et on attend un signe, un geste de cette personne-là pour pouvoir l'aborder. Voilà. D'accord. Ça parle de ça. D'accord. Donc, contrairement justement à juste se laisser faire et maintenant, ça sera moins rock, mais plutôt plus pop, comme tu viens de le dire. Oui. Donc, justement, à part partager tes morceaux sur les différents réseaux sociaux et passer à la radio comme aujourd'hui, comment fais-tu pour te faire connaître? Quel est ton processus, enfin, pour déjà avoir un début de, pas de célébrité, mais un début de connaissance? Je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, mais... Bon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux ont un rôle important. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer à l'antenne, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes de streaming, il y a tout ça qui fait que il faut faire du buzz autour, en tout cas. Il faut se servir de ça parce qu'il n'y a que comme ça, avec les partages des followers, qu'on arrive à augmenter la quantité de personnes qui nous suivent. En parallèle, effectivement, il y a les passages radio. Je passe dans quelques radios françaises aujourd'hui, de la bande FM. Il y a les vues après sur YouTube. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses pour essayer de faire que le nom Guillaume Carax commence à être un petit peu à faire du buzz. Mais l'essentiel, c'est vraiment ceux qui écoutent, ceux qui partagent mes publications, qui font que aujourd'hui ça grossit. J'ai commencé il y a 3 mois avec zéro follower. Aujourd'hui, je suis, je crois, à 2400, 2500 personnes qui me suivent, ce qui est pas mal en 3 mois. Et j'espère continuer à grossir. En tout cas, je pense que je commence à avoir un petit réseau, un petit public, et il commence à y avoir de l'attente, en tout cas, de ces personnes-là. D'accord. Donc justement, on va citer quand même un réseau social principal où on peut te retrouver, donc Facebook. Oui, c'est Facebook, ouais. Et du coup, une plateforme de streaming des plus connues qu'on peut te retrouver également, Spotify. Spotify, Deezer, toutes. J'y suis sur toutes, finalement. Hein. Ok. Voilà. Donc, il est 14h41. Avant d'aller plus loin, à nouveau, je te propose une nouvelle fois de nous lancer dans un prochain titre, histoire de reprendre notre souffle et que nous écoutions cette fois le morceau intitulé Le Chemin, qui est lui un peu moins rock, qui a également le droit à son clip sur Internet. C'est d'ailleurs le dernier morceau en date qui est sorti pour le moment. C'est ça, exactement. Ouais. Dernier morceau en date avec son clip, effectivement, ouais, tout à fait. Il est sorti au mois de mai 2021, il me semble. Vers le 20 mai, je crois, 2021 à peu près. C'était le troisième single, donc quelque chose d'un peu plus intimiste, effectivement. J'ai essayé de cette fois-ci de mélanger un petit peu des sons un peu rétro, un peu anciens, avec des sons beaucoup plus tendance. Voilà. Et puis j'ai raconté une histoire dans cette chanson-là. Ben on en parlera justement juste après de cette histoire. Donc nous écoutons Guillaume Carax et son titre Le Chemin, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. J'ai repris le chemin qu'on avait pris à deux, au soleil du matin, tant qu'encore je le peux. Je ne brûle pas, je tremble dans le froid des silences. L'hiver qui nous ressemble et qui défie nos sens. Y penses-tu encore comme moi je le fais? Est-ce que tu t'en sors? As-tu perdu pied? Y penses-tu encore? L'as-tu accepté? Je ne croyais fort, as-tu avancé? Mon téléphone au cas où près de moi, mes pensées qui résonnent me blottir contre toi. j'avance, j'ai plus peur de personne. Je t'écris ton absence et mon cœur qui frissonne. Y penses-tu encore que moi je le fais? Est-ce que tu t'en sors? As-tu perdu pied? Y penses-tu encore? L'as-tu accepté? Je me croyais fort, as-tu avancé? Après la peine, la joie de ce qu'on a appris. Je me rends pas, j'apprends pour goûter ta peau. Qu'en naîtra le printemps, viendra le renouveau. Y penses-tu encore que moi je le fais? Est-ce que tu t'en sors? As-tu perdu pied? L'as-tu accepté? Je me croyais fort, as-tu avancé? Vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous venez d'écouter Guillaume Carax avec son titre Le Chemin. Il est 14h46, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume Carax justement, qui est là pour nous parler de sa toute jeune carrière. Tout est toujours bon pour toi? Oui, tout va très bien, merci. Parfait. Donc justement, avant cette pause musicale, tu disais que ce titre, Le Chemin, parle d'une rencontre. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors ce titre, ça parle d'une histoire en fait. Ça raconte, c'est une chanson beaucoup plus intimiste que les deux premières que l'on a écoutées. C'est D'accord. une personne qui reprend le chemin qu'il avait pris à deux avec son premier amour. Et c'est une poésie, je pense, dans le voyage, où il se remémore tous les chemins qu'il a pu prendre à l'époque. Et puis il y pense encore et il se demande tout simplement si sa moitié de l'époque il pense encore comme lui le fait. D'accord. Donc justement, dans le clip, donc on a droit sur internet, il me semble qu'il y a un petit garçon et une petite fille dans le clip. Oui. Et du coup toi qui te balades dans un joli coin. Donc est-ce que justement ces enfants, c'est pour représenter cette part justement de premier amour? Oui, tout à fait, ouais. Donc là j'ai voulu à ce moment-là, quand j'ai tourné le clip, faire un parallèle entre justement deux jeunes enfants et moi, après, qui reprenais ce chemin-là tout seul et qui me posait ces questions-là, finalement, en me remémorant les scènes de l'époque que j'avais pu faire avec cette jeune fille-là. D'accord. Donc là, après, si c'est trop indiscret, tu peux me le dire, mais ça représente... Est-ce que ça représente une partie de ta vie, cette chanson, également, ou... Non, ça part d'une part d'un film que j'avais, voilà, d'une idée suite à un film. Non, c'est pas une part de ma vie, c'est pas autobiographique. D'accord. Donc quand je reçois des chanteurs et des musiciens, j'aime beaucoup poser cette question, et nos auditrices et auditeurs sont habitués. Combien de temps cela te prend-il pour fabriquer un texte, de l'écriture du texte à l'enregistrement et à la publication sur internet, à peu près? Déjà pour écrire un texte, ça peut prendre 3 jours, comme ça peut prendre des semaines, des mois. Ça dépend. Ça peut bloquer d'un coup et après c'est très compliqué à ce que ça reparte. Donc déjà rien que ça, il n'y a pas forcément de règles. La musique, ça va en général plus vite parce que j'ai très rapidement une idée de comment mettre en musique le texte. Donc ça va en général plus vite. Hein. Il faut une bonne quinzaine de jours une semaine, 15 jours pour que ça soit pas trop mal. Et après, la deuxième partie de ta question, c'était... Combien de temps ça te prenait de faire l'écriture du texte à l'enregistrement et à la publication sur Internet? Voilà, donc voilà, l'écriture du texte, enregistrement, il faut compter en moyenne. Enregistrement, c'est relativement rapide. Une fois que le texte est écrit, une fois que la musique, précisément, je sais ce que je veux. L'enregistrement, il faut compter une semaine, 10 jours, vraiment, pour avoir les premières versions et modifier quand il y a à modifier. Mais grosso modo, on a quelque chose de plutôt pas mal. Alors, voilà, en 2 semaines, c'est bouclé, on va dire. Et après la publication, derrière, avant la publication, il y a tout un travail de l'ombre. Il y a contacter toutes les plateformes, il y a faire le clip, faire la pochette de l'album. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire là. Enfin voilà, je suis en train de travailler sur ça, en tout cas, pour la prochaine sortie. Donc tout ça, c'est du travail qui ne se voit pas forcément, mais qui prend énormément de temps. Avant de tourner le clip, il y a l'écriture du clip. Je le répète, mais pour le prochain clip, en tout cas, j'ai eu la chance de travailler en partenariat avec Xavier Bélanger, qui a pu écrire le clip, donc ça m'a enlevé une grosse épine du pied. Voilà, donc tout ça, c'est que il faut compter quand même 2 bons mois faciles pour une sortie vraiment réelle. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai commencé, mars, avril, mai, juin, je suis bien occupé. J'imagine bien, oui. Voilà. Okay, une nouvelle fois, je pose toujours cette même question car elle me paraît nécessaire et intéressante. Donc, avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, bien que pour toi elle ait été quelque part bénéfique, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour toi afin de te faire connaître? Voilà, sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, non, j'ai pas connu plus de difficultés que ça. Je pense pas que la crise sanitaire et jouer un rôle négatif, en tout cas dessus. Là où elle joue un rôle négatif aujourd'hui, c'est sur les concerts, où voilà, il y a eu des concerts recommencés juste aujourd'hui, donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu de concert pendant plus d'un an. Donc là, c'est plus compliqué. Et sur le fait, je pense aussi qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je suis plus à la recherche d'une maison de disques, un label qui croit en mon projet, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, suite à cette crise-là, en tout cas, les professionnels de ce milieu-là sont un peu plus frileux, en tout cas. Ouais. D'accord. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Il est déjà presque 14h52. Ça a passé à toute vitesse. Donc, si nous voulons suivre l'avancée de ta carrière, comment pouvons-nous faire? Tout simplement me suivre en s'abonnant sur ma page Facebook, par exemple. Et là, du coup, vous aurez toutes les nouvelles, toutes les nouveautés. Et puis si vous m'envoyez un message, je me ferai un plaisir, en plus, de vous répondre. Donc voilà, c'est avec plaisir que vous pouvez vous inscrire à me suivre sur la page. Parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens en podcast de cette émission, pas demain car je ne serai pas à la radio, mais mercredi, en podcast de l'émission, le lien de ta page Facebook et pourquoi pas ta chaîne YouTube, comme ça au moins on pourra te retrouver facilement. Tout à fait. Ouais. Donc, quels sont tes projets futurs, donc à part peut-être un album ou un EP? Alors là, dans l'idée, voilà, je ressors un titre à la fin du mois. Je pense que je vais faire une petite pause estivale sur le mois de juillet-août. Et puis après, j'aimerais ressortir un titre sur septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année, sortir encore 3-4 titres. Donc on arrivera à 8 titres. Et d'ici début 2022, arriver tranquillement sur un album, quoi. Et du coup, sortir les titres que j'ai déjà sortis et peut-être 2-3 nouvelles chansons pour arriver à un album, et puis à partir de là, peut-être, pourquoi pas, en fonction, essayer de le commercialiser, et puis voir ce que ça donne. D'accord. Il faudra qu'on reste en contact, car ça m'intéresse bien, cette idée de ton futur album, et j'aimerais bien, du coup, me le procurer, comme si je te suis depuis le début, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est gentil. Mon premier fan. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Comme je sais passer le message, je crois, mais voilà, c'est trouver une maison de disque, un label qui m'aide pour avancer un peu plus rapidement et en tout cas m'ouvrir des portes plus facilement pour passage en radio ou dans des émissions. Voilà, je pense que le côté solo, le côté autoproduction à un moment donné va avoir ses limites, en tout cas. Et oui, j'imagine bien. Donc, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, mais je te remercie vraiment, Chris, pour l'invitation. J'ai vraiment passé une heure très agréable, en tout cas. Et puis, voilà, je remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés. J'espère que ça leur a plu, en tout cas. En tout cas, écoutez, moi, je suis plus que motivé, donc n'hésitez pas à me suivre et puis n'hésitez pas surtout à me faire des retours si vous aimez ou pas les futures chansons et les futurs textes. Ok, le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je te remercie une nouvelle fois, Guillaume, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation, merci à toi, Chris. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. D'accord. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté mercredi sur notre page Facebook dans la journée, car comme je disais, demain, je ne serai pas là. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h, qui nous parlera du célèbre chanteur Christophe. Et quant à nous, nous nous retrouvons non pas du coup demain, mais mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Adrien Blanquet qui sera là pour nous parler de son salon du fitness ayant lieu au mois d'octobre ainsi que de son entreprise et de ses différents projets. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo et du coup je vous dis à mercredi. Donc salut et à mercredi.